Vivo de rêve, c'est vivre avec toi, mon amour. Vivre d'amour, c'est vivre avec toi dans mes rêves. Et tu refuses l'amour que je te donne. Mon cœur s'abandonne au malheur qu'il te doit. Vivre l'amour, c'est vivre avec toi dans mes rêves. Vivre le rêve, c'est vivre avec toi mon amour. Et mon chemin pourtant continue sans toi. Le bonheur sans lumière, les c'est vivre avec toi, mon amour. C'est vivre avec toi, mon...